Souvent, on a tendance à supposer que nous vivons dans un tout nouveau monde et que les anciennes règles ne s'appliquent plus, que les événements du passé n'ont aucune pertinence sur les événements d'aujourd'hui, et c'est faux. Le travail maintenant de l'historien, c'est précisément de ressusciter une civilisation dans sa totalité. L'histoire, c'est un dépassement de l'événement. C'est-à-dire qu'il y a 36 définitions de l'histoire. Dans des classes jeunes, je ne demande pas que les gens connaissent par cœur les dates, les noms, etc. Vous me gênez parce que j'ai le sentiment que je vais jouer au professeur et c'est pas le bon endroit. Vous écoutez Leçon d'Histoire, une émission proposée par Guillaume Anchaud. Et voici le troisième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire de l'Ukraine. Lors du premier chapitre consacré à ce sujet, nous avons, en compagnie de l'historien Eric Honoble, abordé la question de l'histoire médiévale et l'histoire moderne de l'Ukraine, ou plutôt, pour paraphraser l'historien, l'histoire de ce qui constitue actuellement les territoires qui forment l'État ukrainien. Nous avons passé un bon moment sur le 19e siècle, nous nous sommes intéressés au nationalisme ukrainien, un nationalisme qui, nous a confié l'historien, a eu de la peine en fait à s'exprimer, coincé qu'il était entre différentes grandes puissances comme l'Empire austro-hongrois ou la Russie des tsars. Toutefois, et ça nous l'avons vu au cours du second entretien, un jeune État ukrainien est tout de même apparu au début du XXe siècle, un État qui s'est évidemment rapidement retrouvé, rattaché à l'URSS. Nous avons également abordé en compagnie d'Eric Honoble la question de la famine, une famine qui a frappé l'État ukrainien au cours des années 1920. Et nous avons terminé la seconde série d'entretiens autour de questions d'ordre historiographique. Nous nous sommes interrogés sur l'histoire de l'écriture ukrainienne, ses enjeux, ses limites, ses difficultés. Pour cette troisième et dernière leçon d'histoire sur l'Ukraine, on va s'intéresser à une histoire beaucoup, beaucoup plus récente. On va commencer avec la sortie de l'Ukraine de l'URSS et on va poursuivre jusqu'aux derniers événements de l'année 2014, à savoir donc le mouvement de contestation du Maïdan et également le début de guerre civile qui commence à se dessiner dans le pays et qui voit les parties est et ouest du pays s'opposer et proposer, on va dire, des destins somme toute antagoniques. J'en ai profité pour demander à notre historien si le clivage entre les différentes langues parlées et pratiquées sur le territoire ukrainien n'était pas peut-être une clé de lecture du conflit qui s'esquisse actuellement. Mais tout d'abord, reportons-nous à la dislocation de l'Union des républiques socialistes soviétiques. J'ai demandé donc à Eric Honoble dans quelles conditions l'Ukraine était redevenue indépendante. Voici sa réponse. Ça se passe dans un petit coin de Biélorussie où les dirigeants des plus importantes républiques soviétiques décident de mettre fin à l'URSS. Mais sachant que tous ces dirigeants, dont le président ukrainien qui vient d'être élu quelques semaines plus tôt, sont tous des apparatchiks. Je veux dire, le premier président de l'Ukraine indépendante, Leonid Kravchuk, c'est l'ancien responsable du secteur idéologique du comité central du Parti communiste ukrainien. Et donc, en tant que responsable du département idéologie, c'était lui qui était chargé de veiller à la doxa et de faire la chasse au nationalisme. Et pourtant, Ukraine indépendante. Mais oui, mais parce que comment dire, le processus de désagrégation de l'URSS, ça n'a pas été un processus révolutionnaire, c'est-à-dire que ça n'a pas été un soulèvement des peuples, ça a été une désagrégation. Alors, il y a tout un tas de gens qui se sont exprimés, dont les nationalistes ukrainiens, mais même à l'époque, on s'aperçoit que c'est quand même pas si simple que ça. Quand les apparatchiks sentent le vent venir, ils veulent rester en place. Ils veulent rester en place, et c'est pas tellement qu'ils sentent le vent venir, c'est que du coup, ils vont souffler le vent. C'est-à-dire qu'ils vont créer des identités nationales là où il n'y en avait pas. Alors là, je ne parle pas de l'Ukraine, mais par exemple, dans le cas de la Biélorussie, c'est une évidence. Alors dans le cas de l'Ukraine, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que, toujours pareil, le mouvement nationaliste ukrainien, dès qu'il a eu la possibilité de s'exprimer, s'est exprimé. Donc ce qui à l'origine devait être le Front populaire local pour le soutien à la perestroïka, donc le mouvement Rouh, en ukrainien, est devenu très rapidement un mouvement national et nationaliste. Mais quand ils ont commencé à prendre des initiatives, ben on a bien vu que tout le pays ne suivait pas. Entre autres, ça doit être en janvier 89, si mes souvenirs sont exacts, ou plus tard peut-être, 90 ou 91, on va vérifier la date. Il y a eu une chaîne humaine qui devait couvrir tout le pays pour commémorer la première République unie d'Ukraine. La chaîne humaine en Ukraine de l'Ouest, oui, il y avait du monde. En Ukraine de l'Est, il n'y avait pas assez de monde pour faire une véritable chaîne humaine. Donc il y a ce problème-là. Les référendums qui ont eu lieu en Ukraine, il y a eu deux référendums en 91. Un pour ou contre la dislocation de l'URSS. La majorité des gens ont voté contre la dislocation de l'URSS. Ensuite, deuxième référendum, pour ou contre l'indépendance de l'Ukraine. La majorité des gens ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine. Alors, entre les deux, il y avait eu le putsch. Mais c'était aussi la question posée qui n'était pas la même. C'est peut-être que l'idée d'État et l'idée de nation ne fonctionnent pas de la même manière qu'en Europe de l'Ouest. Vous savez, en Europe de l'Ouest, comment dire, en général, une fois qu'un État est créé, il trouve sa nation. Et en Europe de l'Ouest, ça s'est fait plus tôt. Mais la nation, c'est quand même rarement quelque chose de totalement spontané d'en bas. Là, c'est les travaux de Benedict Anderson, de Ernst Gellner ou de Hobsbawm. La nation, ça veut dire que vous éduquez des gens dans une certaine langue, qui lisent des journaux dans la même langue. Et pour le dire encore plus rudement, comme disait un humoriste juif, la différence entre un dialecte et une langue, c'est que une langue, c'est un dialecte qui a des frontières, une armée et une police. Donc voilà. Alors justement, il y a eu le choix des élites de la bureaucratie soviétique en Ukraine de devenir les chefs d'un territoire appelé Ukraine. Et là-dessus, ils ont trouvé un modus vivendi avec les nationalistes. Alors un modus vivendi, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord, Kravchuk a été voir les gens de Rouh pour se mettre d'accord avec eux pour l'indépendance. Quand il y a eu la campagne des élections présidentielles, le Rouh a présenté son candidat contre Kravchuk en disant « Kravchuk, il est vendu aux Russes, etc. » Sauf que Kravchuk a fait ce que ferait ensuite Léonid Kouchma, le deuxième président d'Ukraine, et ce qu'a fait même pour partie Yanukovych, c'est-à-dire se faire élire par les russophones et ensuite mener une politique plutôt pro-ukrainienne, dans certaines limites. Et c'est comme ça que l'Ukraine est devenue indépendante, c'est-à-dire qu'elle est quand même largement devenue indépendante sur un malentendu. On pourrait trouver le même type de malentendu dans des tas d'autres pays. C'est pas pour dire que l'Ukraine a moins le droit d'être indépendante que tout un tas d'autres pays qu'ils sont devenus. Mais en tout cas, on peut pas dire que c'était un mouvement de masse irrépressible qui a forcé l'indépendance de l'Ukraine. Voilà, ça c'est 91. Les années 90, c'est les années de dégringolade économique et sociale, et une dégringolade qui semble n'avoir pas de fin. Au moment où tout le monde pense que ça s'est un peu stabilisé, faut quand même savoir qu'en Ukraine, la monnaie officielle s'est appelée le coupon pendant presque 10 ans. Et c'était des billets de Monopoly qui avaient vraiment le format des billets de Monopoly. Et pour mémoire, à l'été 94, 1 million de coupons, c'était 10 dollars. C'est-à-dire, le cours du coupon, c'était 100 000 coupons pour 1 dollar. Donc les gens ont vécu ça. Le pouvoir a fini par lancer une véritable monnaie nationale. Ça devait être en 97, la grivnia, en reprenant le nom d'une monnaie de la Russie kievienne dont on n'avait que quelques traces. La grivnia est lancée, je revois les camions blindés apportant la nouvelle monnaie, les gens qui se demandaient s'ils ne devaient pas se faire des stocks parce que la nouvelle monnaie allait peut-être perdre sa valeur. La nouvelle monnaie est lancée, elle est stable, miracle, personne n'y croyait. Et sauf que moins d'un an plus tard, les soubresauts de la crise asiatique de 98, répercutés en crise financière en Russie, font que la monnaie ukrainienne perd quasiment 50% de sa valeur à l'été 98. Donc ça, c'est les années 90. Donc, à l'époque, le terme de patriote en Ukraine, c'était une injure. C'est-à-dire que quelqu'un qui se crevait au travail à une époque où les gens n'étaient pas payés, etc., disait, t'es quoi, t'es un patriote, toi ? Et dire de quelqu'un qu'il était un patriote, ça voulait dire qu'il était un débile mental, quand même. Donc voilà, ça, c'est les années 90. Les années 2000, ça repart. Ça repart, mais ça repart dans le sillage du redémarrage de l'économie russe. Et ça repart localement sur l'industrie agroalimentaire, parce que même dans une crise affreuse, la seule chose que les gens sont toujours obligés de consommer, c'est à manger. Donc on va repartir. Faut savoir que dans les années 90, tout était importé, en l'huile, le sieur. Donc les bénéfices de la crise de 98 en Russie comme en Ukraine, c'est le redémarrage d'une industrie agroalimentaire locale. Donc on voit réapparaître du ketchup ukrainien, du poulet ukrainien, de la charcuterie, etc. Il y a un petit redémarrage, et toujours dans le sillage du développement de l'économie russe sur la rente pétrolière, l'Ukraine redémarre à crédit dans les années 2000. Et quand je dis à crédit, c'est que les gens échangent leur appartement pour un appartement plus grand, s'endettent pour faire ça, les magasins de bricolage se développent, tout le monde refait sa salle de bain, s'achète des meubles, etc. Mais tout ça, c'est à crédit, mais en même temps, les salaires montent. Voilà. Et puis, 2008, crise mondiale, qui a des répercussions en Russie et qui a des répercussions en Ukraine, sachant que, par exemple, au début des années 2000, une histoire qui se racontait là-bas, c'est quelle est la différence entre un oligarque ukrainien et un oligarque russe ? A priori, il n'y en a pas. L'oligarque ukrainien, il a la Mercedes dernier modèle comme l'oligarque russe. Sa femme a 20 ans de moins que lui, elle est blonde et top modèle comme l'oligarque russe. La différence, c'est que l'oligarque ukrainien, lui, il n'a pas d'argent. Alors, ce n'était pas vrai. Il y avait des oligarques ukrainiens qui, comme leurs homologues russes, se sont enrichis à millions sur le pillage des anciennes industries d'État. Et grosso modo, tous ceux qui sont encore aux manettes aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont fait leur fortune. Il y en a quelques-uns qui ont disparu, certains parce qu'ils sont en prison aux États-Unis, d'autres parce qu'ils sont morts, bon voilà. D'autres ont déménagé à Genève. Oui, assez récemment. Mais voilà, mais donc, dans les années 2000, c'est un petit peu reparti, mais ce n'était pas une croissance qui venait du pays lui-même. Voilà. Et donc, c'était une croissance fragile que la crise mondiale plus la crise politique a fini d'assommer, quoi. On en vient maintenant aux derniers événements. Maïdan, qu'est-ce qui se passe dans cette Ukraine cet hiver ? Une révolution. Est-ce qu'on peut parler de révolution ? C'est sans doute exagéré. Le terme révolution est devenu extrêmement galvaudé ces 20 dernières années. Donc ensuite, c'est un peu comme génocide. Tout dépend de la définition de base qu'on emploie. Moi, j'utiliserai pas non plus le terme de révolution dans ce cas-là. Alors, ceci étant, ce qui est vrai, c'est que, le ressentiment dans la population ukrainienne contre les politiciens, et contre des politiciens qui vivent sur le dos de la population et qui s'enrichissent sur le dos de la population est extrêmement fort. Ça s'était exprimé une première fois en 2004 au moment de la révolution orange. Et clairement, il y avait eu une véritable mobilisation populaire en 2004, pas dans tout le pays, pas dans toutes les catégories sociales, mais il y avait quand même eu une véritable mobilisation populaire. Un mouvement d'indignation, en quelque sorte. Oui, on peut le dire. Ensuite, Yanukovych, qui avait repris le pouvoir tellement les leaders de la Révolution Orange avaient réussi à décevoir ceux qui les avaient soutenus, et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Yulia Tymoshenko avait quand même réussi à faire des alliances au Parlement avec Yanukovych contre le président Yushchenko. Yushchenko, très rapidement, avait été déconsidéré, comme quelqu'un qui était incapable de prendre les bonnes décisions, etc. Donc, la défiance vis-à-vis des politiciens, quelle que soit leur couleur politique, était extrêmement forte. Le problème, c'est qu'Yanukovych n'a jamais été quelqu'un de subtil, et donc plus il est resté longtemps au pouvoir, plus il a essayé d'utiliser les anciennes méthodes, c'est-à-dire d'une part de se servir directement dans la caisse, c'est-à-dire que son fils est devenu la quatrième fortune du pays depuis l'accession de son père au poste de président. Ça c'est une première chose, et puis l'autre chose c'est que Yanukovych a utilisé exactement les méthodes que Kouchma avait utilisées plus de 10 ans avant pour essayer de se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle en russe et en ukrainien admin ressources, c'est-à-dire les ressources administratives pour influencer les électeurs, c'est-à-dire faire savoir dans une administration que il y a besoin de tant de gens pour la manifestation de ce soir, ou réunir les employés et leur dire maintenant on va voter une résolution demandant à Viktor Yanukovych de se représenter aux élections parce que c'est le seul capable d'assurer, etc. Ça a augmenté encore le niveau de mécontentement dans la population. Tout ça sur fond d'une économie qui était en train de décliner. Donc, rajouter à ça des querelles sur la langue, Yanukovych avait pris, il y a un an et demi, la décision de donner aux Russes le statut de langue régionale dans certaines parties de l'Ukraine. Alors, et ça a provoqué un début de mobilisation assez radical dans les milieux nationalistes. Alors, quand je dis nationalistes, je ne parle pas forcément de gens d'extrême droite, mais les milieux qui, justement, défendent l'ukrainien en tant que langue de la nation ukrainienne. Et j'avais été à l'époque frappé par le fait que les manifestants étaient très peu nombreux, globalement par rapport au pays, mais que par contre, ils utilisaient une rhétorique catastrophiste pour décrire cette loi en disant si cette loi elle passe, c'est la fin de la nation ukrainienne, on veut nous interdire de parler ukrainien. C'était absolument pas l'objet de la loi. L'objet de la loi était d'autoriser l'usage du russe dans l'administration, dans les régions où il y a des russophones. Sachant quand même que depuis l'indépendance de l'Ukraine, l'ukrainien est la seule langue officielle, et ça veut quand même dire que dans toutes les régions russophones, les gens remplissent des formulaires administratifs dans une langue qui n'est pas la langue qu'ils utilisent au jour le jour. Et que donc, vous avez linguistiquement une espèce de mélange assez explosif, où tout ce qui est officiel est en ukrainien, et suivant les régions, tout ce qui n'est pas officiel est soit en ukrainien, soit en russe, soit dans un mélange des deux. Et que ça recouvre des rapports sociaux et des rapports de domination. J'ai rencontré une jeune femme qui enseigne à l'université de Berdiansk, justement dans la zone de la steppe, pas très loin de Mariupol et tout ça, et qui me racontait des rapports extrêmement tendus entre les étudiants et les professeurs. Les étudiants viennent, on va dire, de la campagne, et c'est une région qui est très à l'est. Et comme c'est des gens de la campagne, ils parlent le sourjik, c'est-à-dire une espèce de mélange d'ukrainien et de russe, à forte composante russe, mais qui n'est vraiment pas du russe littéraire. Les professeurs à l'université sont des intellectuels russophones, purement russophones. Donc eux, ce qu'ils parlent entre eux et ce qu'ils écrivent pour eux-mêmes, c'est la langue de Pouchkine. Mais ils enseignent en ukrainien. Et comme c'est des intellectuels, c'est un Ukrainien qui n'est sûrement pas le meilleur des Ukrainiens, mais qui est quand même un Ukrainien juste grammaticalement. Et donc, ces russophones pouchkiniens qui enseignent dans l'ukrainien de Shevchenko donnent des mauvaises notes à des ploucs qui ne parlent ni bien le russe, ni bien l'ukrainien. Donc vous voyez le type de tension. Et la loi de Yanukovych, elle aurait sans doute pu faire baisser les tensions, mais elle a été vue par les forces nationalistes comme une agression contre l'idée même de la nation. Pour la petite histoire, évidemment, tout le monde analysait Yanukovych fait ça parce qu'il veut se rapprocher de la Russie. Pour la petite histoire, cette loi-là correspondait à une exigence de l'Union européenne de respect des langues régionales. C'est-à-dire que c'était un Yanukovych européen qui faisait ça et non pas un Yanukovych russe. Et le drame de Yanukovych, c'est que moi je pense qu'il a réellement cherché un rapprochement avec l'Union européenne et qu'il n'a pas pu. Alors, parce qu'il n'en avait pas l'intelligence politique, c'est-à-dire qu'il aurait été malin, il aurait justement cherché à s'appuyer sur les forces nationalistes pour faire une espèce de jeu de balancier et se rendre indispensable. Il en était totalement incapable, voilà. Mais voyez l'ironie de l'histoire. Il n'avait pas l'intelligence d'accéder au bon levier, c'est ça. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'il n'était pas capable, oui, de jouer au Bonaparte, c'est-à-dire de jouer sur des forces antagonistes pour lui-même monter. Donc il s'est au final retourné plutôt du côté de la Russie. Quand la Russie a fait sentir qu'elle ferait aucun cadeau, que les marchandises ukrainiennes ne se vendraient plus en Russie, or le marché européen était une perspective, le marché russe était une réalité. Donc là il s'est retourné et puis Poutine a mis de l'argent sur la table, ce que les autorités européennes n'ont jamais fait. Donc voilà. Alors ensuite, il y avait déjà beaucoup de ressentiments accumulés contre les politiciens en général, et Yanukovych était le pire des politiciens, donc ça a explosé contre Yanukovych. Yanukovych a alterné une répression dure avec des moments de laisser-faire, et donc le truc, la mayonnaise a prise. Voilà, mais c'est-à-dire que réellement, rétrospectivement, sur le moment, je ne l'ai pas du tout dit, hein, sur le moment, je n'ai pas vu venir la chute de Yanukovych, je n'ai pas vu venir l'annexion de la Crimée, je n'ai pas vu venir les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Je n'ai rien vu venir, que ce soit bien clair. Mais rétrospectivement, la difficulté de Yanukovych, par exemple, à réprimer le mouvement, qui était quantitativement... c'était réprimable. Je veux dire, il y avait au mieux quelques dizaines de milliers d'occupants sur une place. Je veux dire, les techniques de répression moderne permettent de se débarrasser de ce genre d'abcès de fixation sans qu'il y ait de morts. Lui, il a réussi à faire des morts et à ne pas s'en débarrasser. Ça veut dire, à mon avis, que déjà, donc, je pense qu'il n'était pas capable, mais ça veut dire aussi qu'au sein de son appareil d'État, il y avait pas de gens qui étaient plus capables que lui. Et ça veut dire que même au niveau des forces de police, il n'y avait pas la maîtrise des techniques de base de maintien de l'ordre. Donc, rétrospectivement, on peut se dire qu'il y avait déjà des éléments qui montraient que l'appareil d'État ne tenait plus très bien lui-même. Donc, si je suis ce raisonnement, on peut continuer à se faire du souci, parce que on a changé quelques têtes au sommet de l'appareil d'État, mais cet appareil d'État, il est toujours là, en train de, entre guillemets, dysfonctionner. Non seulement de dysfonctionner, mais là, on peut dire qu'il se disloque. Mm-hmm. C'est-à-dire que, la Crimée, ça s'est fait très vite, parce qu'il y a eu coup de pression, mais parce que la population de Crimée ne s'est jamais sentie ukrainienne. Et là, je crois que les derniers sondages avant la crise disaient que 60% des habitants de Crimée se considéraient comme russes. Et à l'époque, il y a une universitaire française qui a fait un très bon bouquin. Elle n'a pas vu les trucs venir, mais moi non plus. Donc, et elle disait... Les choses progressent parce qu'on était à 70% de Criméens qui se considèrent comme russes, et maintenant on est tombé à 60%. Grosso modo, dans 30 ans, ils se considéreront comme ukrainiens. Sauf que la crise a été plus vite que ce type de calcul. Et voilà. Donc ça, c'est pour la Crimée. Dans le cas de l'Ukraine de l'Est, la tentative des nouvelles autorités, ça a été... Ça veut dire qu'eux-mêmes sont conscients de la fragilité de l'appareil d'État. Ils ont nommé comme gouverneur des oligarques locaux. Alors, des oligarques locaux de leur bord, contre les oligarques locaux liés à Yanukovych. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. Dans la région de Dniepropetrovsk, c'est Kolomiyski qui a été nommé. Visiblement, lui, ça marche. Il tient la région. Il a promis, je crois que c'est 24 000 $ à qui ramènerait un agent russe. Et du coup, il y a eu des agents russes qui ont été ramenés. Voilà. Dans la région de Kharkov, il y a eu un jeu très bizarre entre le gouverneur qui est le nouveau gouverneur qui est un ancien ministre de l'Intérieur et qui avait des comptes à régler avec les autorités locales. Le donc, maire, ouais. Voilà, Kernes, qui dans un premier temps a fui, puis qui est revenu, puis qui s'est fait tirer dessus. Et puis là, visiblement maintenant, tout le monde s'entend très bien, tout le monde est d'accord pour que la région de Kharkov reste calme. Donc il y a dû y avoir un accord au sommet entre le gouverneur et Kernes. Parce que la région est réellement calme et les pro-russes mettent 200 personnes dans la rue et il ne se passe rien. Voilà. Il y a eu des affrontements violents, il y a même eu des morts à Kharkov, mais d'après l'avis de gens que je connais qui sont bien informés sur place, quand ces événements ont eu lieu, les grosses chaînes de télé étaient là dès le début. Donc, c'est que ce n'était peut-être pas tout à fait spontané. Voilà. Et quand il y a eu décision que le calme devait revenir, le calme est revenu, excepté que le maire s'est fait tirer dessus, sans doute pour lui dire qu'il ne fallait pas non plus qu'il croie que... Bon, voilà. Ensuite, dans le Donbass, les gouverneurs nommés par le nouveau pouvoir n'ont pas réussi à faire leur trou. Et puis clairement, la vacance de pouvoir, ça a été la possibilité pour des tas d'aventuriers et d'aventuristes d'essayer de faire leur trou, de se créer une légitimité. Et dans le Donbass, ils ont plutôt réussi. Et ils ont plutôt réussi pourquoi ? Parce que la défiance des Ukrainiens vis-à-vis des élites politiques, paradoxalement dans le Donbass, c'est la chute de Yanukovych a décuplé ce sentiment. Et le fait que le premier geste du nouveau pouvoir ait été de retirer la loi sur les langues, ça a été une claque dans la figure des russophones. Donc, première chose. Deuxième chose, coupure avec la Russie dans le Donbass, c'est réellement grave. Dans tout l'Est, c'est réellement grave. Pourvu qu'il y ait des gens pour souffler sur les braises, ça a pris. Alors, je ne pense pas que la population soit militante du côté séparatiste, de la même façon qu'il ne faut pas croire non plus que la population était militante du côté Maïdan. Deux jours avant les premières dizaines de morts, le Maïdan était occupé par quelques centaines de personnes en semaine et les voitures circulaient au fond du Maïdan alors qu'il y avait l'espèce de ligne de front entre les flics à quelques centaines de mètres de là. Donc c'était pas tout un peuple insurgé. C'était une bonne partie de la population de Kiev qui avait de la sympathie et une sympathie active vis-à-vis des militants du Maïdan. Militants du Maïdan qui eux-mêmes étaient des gens venant d'un peu partout, plutôt de l'ouest de l'Ukraine. Mais il n'y a pas eu concrétion de centaines de milliers de personnes actives politiquement. Ce qui explique aussi pourquoi, là maintenant, la situation elle semble échapper à tout le monde. Parce que globalement, la majorité de la population... ils aimeraient bien continuer à vivre à peu près normalement. Ils s'aperçoivent qu'ils sont dans une espèce de voiture qui est sur une pente et puis il n'y a pas de frein, il n'y a plus de volant. Du coup, tout le monde essaye de se raccrocher à ce qui peut lui sembler être un volant ou un frein localement. Donc dans le Donbass, ça va être République populaire du Donbass. Poutine, lui, au moins, quand il gère. Mais c'est des logiques de survie dans une situation dont tout le monde s'aperçoit qu'elle devient totalement ingérable. Donc il ne s'agit pas forcément de l'affirmation effrénée d'un nationalisme à tout craint. Non. Par contre, ce qui est grave, c'est que des deux côtés, il y a des groupuscules nationalistes d'extrême droite, aussi néo-nazis les uns que les autres, qui évidemment, eux, essayent de transformer ça en un nationalisme cohérent et de masse. Et grosso modo, tout le monde connaît maintenant Pravi Sektor, les néo-nazis ukrainiens et puis Svoboda, ex-parti néo-nazi qui veut aujourd'hui se présenter comme un parti normal, mais je veux dire, à Kharkov, que je connais relativement bien, les militants pro-russes, c'est des gens qui font partie de quelque chose qui s'appelle le Bastion, qui est écrit en lettres médiévales russes, et qui sont liés au RNIE, le Rassemblement National Russe, qui est comment dire, c'est comme Pravi Sektor, sauf qu'ils sont russes et pas ukrainiens, et que du coup, leur idéal d'un régime national-socialiste, et on peut utiliser le terme, c'est un régime centré sur les Russes et non pas sur l'Ukrainité. Dernier point, et puis peut-être qu'on terminera un peu là-dessus. J'ai parfois le sentiment, en prêtant attention aux médias, aux flux de l'actualité, qu'on est en train de créer deux peuples, alors qu'au final, il n'existait pas un peuple russe et un peuple ukrainien, à travers la langue, à travers l'opposition des russophones et des ukrainophones. Alors que finalement, cette différence, cette barrière de la langue n'était pas forcément un des ferments identitaires nationaux de ce pays. Clairement, et moi c'est une chose qui toutes ces années me plaisait beaucoup en Ukraine, c'était le plurilinguisme un peu anarchique. Pour donner deux exemples, dans les télévisions, il était très fréquent, et ça reste le cas, que l'intervieweur et l'interviewé ne parlent pas la même langue. Et donc que le dialogue se passe dans deux langues. Donc par exemple, sur les chaînes de télé nationale, l'ukrainien était la langue officielle, donc l'intervieweur posait sa question en ukrainien et l'interviewé russophone répondait en russe, et ça gênait personne. Le mieux que j'ai vu, c'était dans un petit village de la région de Kharkov. J'étais allé interviewer des vieilles personnes qui avaient vécu la période des années 20. Donc on se présente à la mairie, donc le soviet du village de fait. Alors j'étais avec une amie professeure d'ukrainien. Les employés de mairie avec moi parlaient le russe parce que c'est le russe que je parle le plus facilement. Au téléphone, avec leur supérieur hiérarchique, elles parlaient ukrainien. Et entre elles parlaient le surjik, c'est-à-dire le mélange de russe et d'ukrainien. Donc, clairement, la langue ne séparait pas les gens. Ça pourra peut-être les séparer. C'est pas encore fait non plus. C'est-à-dire que dans les effets paradoxaux des événements, il y a le fait que dès le début de la sécession de la Crimée, Le nouveau pouvoir a rétro-pédalé sur l'histoire des langues et a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour prouver qu'il n'était pas du tout contre les russophones. Et donc, quand je suis allé à Kiev il y a moins d'un mois, il y avait des tas de programmes de télé pour dire « Nos amis les russophones, mais vous êtes tout aussi ukrainiens que les autres ». Sauf que ça s'était dit dans une espèce de paternalisme qui se cachait, qui hérisse même des ukrainophones de l'Est. Vu que je connais des ukrainophones de l'Est, ils me disaient c'est juste pas possible, on a l'impression qu'ils parlent à des petits-enfants un peu débiles. Non, on est tout aussi cultivés que les gens de l'Ouest de l'Ukraine. Donc pour dire que le truc est en train de s'approfondir, parce que plus un camp essaye de se montrer conciliant, plus il arrive quand même à réveiller la susceptibilité de l'autre, même chez des gens très bien disposés à l'origine. Voilà, c'est sur ces considérations linguistico-politiques que prend fin cette première série de leçons d'histoire. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur un son, puisque autour de la contestation du Maïdan, de nombreux artistes se sont produits. Ici, il s'agit de l'avatar burlesque du journaliste et chroniqueur américain Michael Schur, qui interprète une chanson indiquant à l'ancien président Viktor Yanukovych de prendre ses clics et ses claques et d'aller voir ailleurs. À bientôt! Ти народився у складному світі, тебе любили, ростили, назвали Вітя. Ти ріс на сході, курив на сходах, по стерикони ходив до школи. Ти ріс в компанії, вже на стадії, коли відчув собі сили достатні. Ти пішов у вільне життєве плавання, отримав визнання і навіть визнання. Я розумію, що твої принципи вели тебе сюди, і їх не зрадиш ти. Забити на сім'ю – це позор. Та бізнес твого сина – це перебор. Це гітарний перебор, Віктор! Віктор, це перебор! Це гітарний перебор, Віктор! Віктор! шукати щастя, знайти і тримати Бога за бороду, ногу чи за палець взяти. Ти мріяв, як і всі, вирости, встати, ходити твердо, багато знати. Дитяча мрія збулась нарешті, і шкіри страуса у тебе є мешти. Італійських якось чумів пару, тобі дістались ні звідки, майже на шару. Тепер у тебе є нова машина, затонували, бронювали її відмінно. З дому на роботу, наче метеор, ранковий корок, це перебор, Віктор! Ми ніколи не сходили рабами у хатині, і тому це і далі перебор, Віктор! Віктор, це перебор! Сказати, що Україна є, Україна це... Це і далі перебор, Віктор! Віктор, це перебор! Ти виріс сильним, ти виріс здоровим, надійним папою, собою, сім'єю гордим. З тобою радяча, тебе всі бояча. З тобою здатися велике щастя. Живеш за містом, там чисто, ясно. Рибалка, полювання, завжди свіже м'ясо. Сховав себе ти за забор. Межигір'я, це перебор, Віктор! Це гітарний перебор, Віктор! Віктор! Віктор! Віктор! Прихвостням. Банду геть!